Toujours sur les ondes de Radio Béton, toujours à l'écoute d'Hellbanger sur les ondes du 93.6. On est dans la troisième partie de ce best-of de juillet, rétrospective donc du premier semestre 2023. Très chargé en nouveautés, en sorties très qualitatives. Le prochain bloc, on retrouvera les Islandais de My Sperming, le très très bon groupe de black metal qui a sorti son troisième effort studio toute fin 2022, qu'on a commencé à vous diffuser début 2023, donc sur un label français. Body Farm ensuite, le rouleau compresseur du death néerlandais qui a sorti son cinquième effort studio à la fin du mois de février. Free Road ensuite, jeune formation de Heavy Art venue du Mexique, une signature sur label français Dying Victims, qui a sorti son premier album fin janvier, bien revival, bien old school, rough set très classique mais bien exécuté. Dryad ensuite, du Black Crust à chanteur venu de l'Iowa aux États-Unis, premier effort studio qui a eu le jour en janvier, c'est hargneux, c'est sale et c'est ultra violent. Dark Old Slave ensuite, les Brutas venus de Lille avec le groupe, leur formation de Brutal Slam Death, qui au passage sont toujours chez les patrons du genre, New Standard Elite. Voilà, l'album a vu le jour 8 ans après le premier effort. Vosegus, enfin, formation de Pagan Black qui nous vient de Nantes. Le groupe a sorti mi-février son second effort studio, des compos épiques, plutôt généreuses dans la durée et les inspirations, avec dedans 3 membres de FT17. Pour la diffusion musicale, My Sperming, le morceau Made Army, extrait de l'album du même nom, Body Farm, Torment, extrait de l'album Ultimate Abomination, Free Road, Do What You Feel, extrait de l'album du même nom, Dryad, Pompeii, Worm, extrait de l'album The Abyssal Plane, Dark Old Slaves, Marks of Ritualistic Defacement, extrait de l'album Mephitic Redolence of the Decomposed, Vosegus, Vent Funeste, extrait de l'album Retourne à la Terre. Et voilà pour la présentation de ce troisième bloc. C'est parti! Et voilà, on arrive déjà à la présentation du dernier bloc musical pour clôturer cette rétrospective, du premier semestre 2023 au sein de l'émission Hellbanger. Voilà, ce petit best-of qu'on va s'écouter tout au long du mois de juillet, puis on vous en prépare un autre pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on s'écoute dans ce dernier bloc ? Bah, toujours de très bonnes choses, hein. Nous aurons donc tout d'abord Anachronisme. Anachronisme, formation de tech death assez dissonante, hein, qu'on peut rapprocher d'un Gorguts ou Ulcerate, quand même un peu plus accessible. Ça nous vient de Suisse, c'est une chanteuse guitariste qui envoie ça. Le batteur est juste monstrueux également. Ultar, ensuite, on est sur du Black Death américain. Deux albums ont vu le jour coup sur coup chez 20 Buckspin Records, un des excellents labels qu'on suit très régulièrement. C'est extrême, intense, hypnotique, un peu dérangé dans les compos, dans un registre à la sauce Blood Incantation ou même Sulfur Aeon. Veil of Ammonition, on est sur du Doom, originaire cette fois d'Ouganda. Ils ont sorti leur troisième effort studio au tout début de l'année. Un Doom un peu épique et occulte, d'inspiration aux thématiques culturelles forcément ougandaises. Faust, ensuite, là on est sur du Black Mellow, projet solo français. Très typé Swedish 90s, hein, la sauce bien sûr Dissection et Nagelfar. Premier effort studio, recette classique, mais très bien maîtrisée. Tristand, ensuite, du Black Net Trash qui nous vient du Chili. Un peu comme Elish, diffusé plutôt dans l'émission. Une signature Dying Victim, c'est leur premier effort studio longue durée, ça a vu le jour fin janvier. C'est intense, old school à souhait, et ça fait sacrément bien le taf. Irreview, pour clôturer. Un projet solo qui nous vient de Malaisie, le premier effort studio est sorti au tout début de cette année. On est sur du Black Atmo qui nous vient de Malaisie, c'est hyper épique dans les inspirations. Vous l'aurez remarqué sur cette première sélection, beaucoup de formations, comme on s'amuse à le dire, non alignées sur un axe occidental. Et puis on se fait vraiment plaisir avec plein de formations, avec beaucoup plus de femmes présentes dans les musiques extrêmes qu'on aime tant. Anachronisme donc, le titre Prism, extrait de l'album Minders. Ultar, ensuite, extrait de l'album Anthrocomicon, le titre Larynx Plateau. Veil of Ammonition, Sons of the Moribund, extrait de l'album Immortalizing the Lugubrious, Ordos of Evolving Despair. Faust, ensuite, And All It's Evil, extrait de l'album Death from Beyond. Tristorn, Insanity, extrait de l'album Into the Void. Irreview, pour clôturer tout cela, The Creature, extrait de l'album Fate Worse Than Home. Bonne écoute, bonne réécoute surtout, et on se retrouve au mois d'août pour une nouvelle sélection. En attendant, on vous laisse apprécier toute cette sélection au long du mois de juillet. Et on se retrouve bien sûr le premier week-end de septembre pour un retour avec de la diff originale. Ciao ciao. Yeah.